Chapitre 6e. Dans le noir de ma chambre, je m'allongeais sur ma couche, les bras le long du corps. Je repassais en mémoire les événements récents et en pesais les conséquences. Non, je ne regrettais rien. J'avais fait ce que j'avais décidé de faire et mon maître m'avait toujours enseigné qu'il ne fallait jamais revenir en arrière. Une fois le navire lancé sur les eaux, il fallait naviguer, contre vents et marées, et ne jamais revenir au départ. Garder le cap, quoi qu'il advienne, et penser que tout peut changer d'un instant à l'autre. Alors pourquoi regretter? De toute façon, il est impensable de revenir en arrière, sauf pour les timorés et les âmes flasques. Yalla, vis selon tes passions et assouvis-les, la vie est courte. D'ailleurs, pourquoi mon maître employait-il les termes arabes alors qu'il était certainement natif de Serre ou de Gap? C'est lui qui m'avait fait apprécier la beauté des corps, les parfaites proportions juvéniles, les différentes qualités de peau, de cheveux, la finesse des articulations, tous ces trésors auprès desquels nous vivons et que beaucoup ignorent. Au début, je jouais le rôle de rabatteur, mon physique et mon âge n'inspirant aucune inquiétude. Je devais lier contact avec de toutes jeunes filles bien faites, de bonne moralité, non sophistiquées, ce qu'on appelle des jeunes filles sages ou en fleurs. Puis, lorsqu'elles étaient en confiance, je les amenais au maître, qui les prenait en main, au sens propre comme au figuré. Il disait qu'il allait leur montrer la lumière. Mais pour cela, il fallait les préparer. Le maître leur donnait une mixture qui les endormait profondément, et ensuite venait le travail sur le corps proprement dit. Au début, le maître m'avait montré comment faire et j'y pris vite un certain plaisir. Il appréciait mon travail, et contemplait les jeunes filles avec un regard libidineux lourd de désir. Il se couchait sur le dos et allongeait le corps de la jeune fille sur lui pour de longues séances de caresses qui le conduisaient à la jouissance sans aucune pénétration. « Tout est cérébral, » disait-il en me forçant à le regarder. Mais un jour, en ayant marre de tenir la chandelle et de lui servir de domestique, je décidai de le laisser à sa métaphysique à deux balles. Je me concentrais surtout sur la préparation des corps, le plaisir de la contemplation, mais les attouchements n'étaient pas ma tasse de thé. En fin d'opération, je prenais des photos pour immortaliser mon travail. Je quittais ensuite mes chefs-d'œuvre dans la nature, si possible dans un cadre agréable. Mais même si les basses Alpes sont grandes, la fréquence des découvertes de jeunes filles abandonnées comme des poupées devint suspecte à tout le département. Je décidai donc de changer d'air. Mon travail artisanal pouvait s'exercer n'importe où, et je mis le cap au sud où le gibier devait être plus important. Donc, les fois précédentes, tout s'était bien passé. Les filles s'étaient endormies en gardant rien de conscience qui avait même permis à certains d'éprouver un vague orgasme à mes soins et attouchements. Les filles, une fois parées, étaient toujours magnifiques. La dernière était un vrai sosie de Claudia Cardinal dans le bel Antonio. J'avais même eu le temps de la rhabiller dans sa tenue initiale après avoir pris quelques photos. Pour la petite Marie, que s'est-il passé? J'avais fait connaissance de cette gamine avec sa mère au magasin. Elles étaient venues pour choisir une bague pour l'anniversaire de la gosse. D'emblée, j'avais senti que cette petite n'était pas heureuse alors qu'elle était mignonne comme un cœur. Elle était très heureuse de sa bague et je la revis quelques jours plus tard, car elle comptait s'offrir, dès qu'elle l'aurait pu, des boucles d'oreilles assorties. Voulant aller un peu trop vite en besogne, j'avais proposé de le lui remettre en attendant qu'elle pût me payer. Elle refusa catégoriquement. Question d'éducation, peut-être. Comment est-ce arrivé? Tout s'est passé beaucoup trop vite. Lorsque j'ai compris que Marie ne respirait plus, il était trop tard. C'était bien dommage, car elle était jolie, la petite Marie. Mais l'accident fait partie des aléas inévitables à toute action à risque. Lorsqu'on navigue entre Dieu et le diable, un peu comme un fil de feriste, on court le risque de tomber d'un côté ou de l'autre. Mais en fait, une fois en bas, le monde est bien le même. Quand on se fait du bien, me disait mon maître, on ne peut pas faire le mal, c'est évident. Donc, pas de remords. D'ailleurs, mon esprit était déjà en chemin vers une autre conquête que je n'aurais pas eu de mal à transformer en Brigitte Bardot. Quel plaisir de travailler la matière des corps, de rehausser la beauté naturelle d'une femme, d'en faire une espèce de déesse, ne serait-ce que pour un instant. Quelle jouissance aussi de posséder une star inaccessible, de la voir là, docile aux caresses et à sa volonté. Quelle exaltation de chercher le sujet rare, de faire des rapprochements avec des femmes célèbres, d'imaginer la transformation réalisée, de traquer sa proie. Et quel bonheur de découvrir un corps qui réserve chaque fois des surprises, du fin duvet là où on ne l'attendait pas, une petite cicatrice, un grain de beauté. Et quel émoi de sentir qu'à chaque fois le parfum prend une senteur nouvelle sur une peau différente. Ah, décidément, la nature fait des merveilles pour ceux qui savent les regarder de près. Il me reste à moi l'assassin, puisque désormais c'est ainsi qu'il faut m'appeler, un peu de produit qui devrait me permettre de traiter encore un sujet. Il faut absolument que je me renseigne sur les dosages pour ne pas commettre encore une fois l'irréparable. Quant au maçon italien, finalement je regrette sincèrement. Pauvre type, mais aussi, est-ce qu'on lui avait demandé quelque chose à cet abruti? Qu'est-ce que ça pouvait lui foutre, un soutien-gorge et une culotte? En plus, me tripoter avec ses mains pleines de plâtre et de ciment. Il avait presque failli me casser un bras, ce con. Cette pierre était providentielle. Personne n'a dû me voir partir en voiture. Me voilà double assassin, car je crois bien que je l'ai complètement escagassé. Je ne pensais pas avoir autant de force. C'est fou ce que la peur peut décupler vos moyens. De toute façon, j'attends. Je ne change rien à mes habitudes et mes projets. Volpi eut une nuit agitée, peuplée d'images de Gilda, superposées à de plus grandes de Chantal et de plus petites de Magali. Polichinelle le tirait en arrière pour l'empêcher de voir les images et le pinçait jusqu'au sang. Putain de Polichinelle! Où était situé le nouveau bar de Gilda? Il n'avait aucun numéro de téléphone pour la joindre et lui donner un rendez-vous. Au petit matin, il trouva enfin la solution à son problème. Avant de prendre son service au commissariat, il monta le cours et sonna à l'étude de Maître B. Ce fut Leclerc qui lui ouvrit, une jeune femme blonde, aux grands yeux bleus, brillants de malice et aux jambes magnifiques perchées sur de jolis escarpins. « La secrétaire n'est pas encore arrivée, et Maître B non plus. Je suis la seule pour l'instant. Vous aviez rendez-vous ? Non, pas précisément. Je suis commissaire de police, » dit-il en sortant sa carte, « et je viens vous voir dans le cadre d'une enquête. J'ai besoin juste d'un renseignement. Je vous écoute, si je peux vous aider. Venez dans mon bureau, nous serons mieux pour parler. » Volpi suivit la jeune femme alerte, très à l'aise sur ses talons, et de toute évidence d'une vive intelligence. Volpi le sentait. Il allait falloir jouer serré. Avant-hier, un contrat de vente a été signé entre une dénommée Gilda Bonnieux et quelqu'un dont le nom importe peu. Nous avons déjà eu affaire à Mademoiselle Bonnieux pour lui porter secours et protection dans son ancien établissement. Ce propos n'était pas vraiment un mensonge et parut plausible à la jeune femme. Volpi s'enhardit et reprit. « Nous craignons que ces agresseurs récidivent, mais nous n'avons pas l'adresse de l'établissement qu'elle vient d'acheter. Si vous pouviez nous la communiquer. » « Et qu'il me prouve que vous n'êtes pas justement un de ces agresseurs, » rétorqua aussitôt la jeune femme. « Vous avez le numéro du commissariat, je suppose, bien sûr. Alors téléphonez et demandez à parler au commissaire Gino Volpi. Mais c'est ce que je vais faire. » affirma Leclerc en décrochant le téléphone. Pendant qu'il composait le numéro, Volpi lui glissa sous le nez sa carte d'identité et sa carte de police. Sans en demander la permission, Volpi porta l'écouteur annexe à son oreille. À la question posée, on répondit que le commissaire n'allait pas tarder, mais que si c'était urgent, on pouvait lui passer l'inspecteur Michaud. Volpi hocha fortement la tête pour inciter la fille à le faire. « Que vous arrive-t-il ? » demanda Michaud. Après s'être présenté, la jeune femme informa l'inspecteur. J'ai en face de moi un homme qui prétend être le commissaire Volpi. Oui, j'ai sous les yeux sa carte d'identité, mais ça ne prouve rien, inspecteur. Que vous demande-t-il? Des renseignements sur une demoiselle Gilda Bonnieux, une de nos clientes. Michaud, un homme intelligent, établit tout de suite le rapprochement. Le salaud, pensa-t-il, il est malin comme un singe. Oui, répondit-il, c'est une jeune femme qui a déjà porté plainte et nous la surveillons discrètement, pour lui éviter de nouveaux déboires et pincer ses agresseurs. Suite à ce coup de fil, la Claire se fendit de son plus beau sourire. Ses yeux pétillaient de malice. « Je suis vraiment désolée, » avoua-t-elle. « Mais reconnaissez que vous auriez apprécié que j'en fasse autant s'il s'était agi de quelqu'un de votre famille. Commissaire. « Mais je ne vous en veux absolument pas. Et ce zèle est tout à fait à votre honneur. Bon, et pour l'adresse ? Ah oui, c'est le bar de Caro. Vous savez où c'est ? Oui, bien sûr, » répondit Volpi, cachant sa joie. « Allez, je file, car d'autres affaires m'attendent. » Dès son arrivée au central, il passa la tête dans le bureau de Michaud avec un sourire désarmant, un de ceux dont il avait le secret quand il était heureux. « Mon salaud, t'es gonflé quand même. N'empêche, mon Serge, j'étais sûr que tu allais réagir comme ça. Je te connais comme si je t'avais fait. Moi aussi je te connais. Et tu es un triste sire. Alors, tu es sérieusement mordu de cette fille? Tu te souviens qu'au début, c'était la haine entre vous deux. Mais c'est toujours plus ou moins la haine, tout au moins de son côté. Moi, j'espère bien renverser la vapeur, un jour ou l'autre. Et pour ça, il est indispensable que je ne perde pas le contact avec elle. » Michaud farfouilla dans ses papiers. « Bon, patron, il faudrait qu'on revienne à ce pourquoi on nous paye. Tiens, voilà le rapport de Charles. Il était furieux de ne pas t'avoir au bout du fil tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il croit, ce dingue? Qu'il n'y a que lui qui travaille et que je couche ici. Bon, fais voir. » Comme s'y attendait Volpi, le corps de Guido le maçon portait des égratignures dans le dos. Des griffes furent assez profondes sur les bras et les mains. Charles pensait qu'il ne s'était pas fait cela après les chaînes kermesses qu'il avait dû traverser pour courir sus à l'intrus, mais que c'était forcément des traces de lutte avec celui qui lui avait écrabouillé la tête. « Bizarre, remarqua Volpi, qu'il n'y a aucune trace de coup. » Il décrocha le téléphone et appela Charles. « Ah, enfin !» s'exclama le légiste. « Je me demande à quoi ça sert que je bosse. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mon rapport n'est pas complet. »« Si, si !» s'empressa de répondre Volpi. « Mais j'aurais voulu savoir si les mains... Enfin, le dos des mains de la victime portait des traces de coups. »« Non, » répondit Charles péremptoire. Ce qui laisserait penser qu'il n'a pas donné de coup de poing à son agresseur. « Si vous voulez. Mais à moins qu'on tape très fort sur du très dur, ça ne laisse pas forcément de traces. »« Bon. Merci, Toubib. Vos conseils et remarques me sont toujours précieux. » Connaissant le bonhomme, Volpi savait qu'il fallait le caresser dans le sens du poil. Mais une fois encore, il tomba à plat. « C'est ça, Volpi, foutez-vous de moi. » Dans la série, c'est le jour des savons, le juge Cassard appela juste après. « Alors, commissaire, ça stagne. Toujours rien de nouveau pour la petite Morel ?»« Non, monsieur le juge, si ce n'est que j'ai acquis la conviction que cette gosse était malheureuse. »« Comment pouvez-vous le savoir? On vous a fait des confidences ?»« Non, pas précisément. Mais j'ai visité sa chambre, et je crois que celle d'une nonne est plus rock'n'roll. Même pas une photo de vedette ou une carte postale au mur, pas de transistor, de bouquin, même pas de lampe de chevet et de table de nuit. Vous vous rendez compte? Dans les armoires, elle avait juste de quoi s'habiller sans faire la coquette. » Et vous pensez que ce sont ses parents qui la bridaient de la sorte? S'ils n'ont pas de gros moyens, ça s'explique peut-être. Non, je ne pense pas qu'ils lui serraient la vis. Le père a la tête un peu près du bonnet, mais il m'a l'air d'un brave homme. Quant à la mère, elle faisait souvent de petits cadeaux à sa fille. Je ne crois pas qu'ils auraient été jusqu'à interdire à leur fille d'écouter « Salut les copains » ou de punaiser des images. Il y eut un blanc pendant lequel le juge réfléchissait. « Si je vous comprends demi-mot, vous pensez que cette gosse était dépressive et n'avait goût à rien. »« Oui, voilà. » »« Sa copine Maryse est un peu du même style. » Les garçons ne les intéressaient pas et une fois le boulot terminé, elles devaient traîner leur mal de vivre sans espoir d'un monde meilleur. « Bon, et alors ?» Alors, dans cette hypothèse, il est possible que la petite Marie ait cherché à fuguer vers des horizons plus riants. Quand les parents et les autres disent qu'au grand jamais, elle n'aurait suivi quelqu'un, ça reste à voir. Le peu de témoignages que nous avons montre qu'elle était consentante et qu'elle a saisi une occasion. Vous en avez parlé avec la mère? Non, pas encore. Je la laisse un peu se poser. Mais je finirai par savoir la vérité. Et pour l'italien? Il faut trouver quelque chose, Volpi. Le proc m'a appelé en brandissant le risque d'incident diplomatique. N'importe quoi. Il a attrapé quelqu'un qui a peut-être, je dis bien, peut-être, volé un soutien-gorge et une culotte après l'étendoir de la fille Ginou. Le maçon a coursé le voleur derrière la maison, mais ça s'est mal terminé. De la façon dont vous présentez les choses, Volpi, c'est une altercation qui a mal tourné. Moi, je suis presque sûr qu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. L'agresseur a attendu sa victime et lui a fracassé la tête par surprise. Je ne pense pas, monsieur le juge. Le rapport de Charles, que vous n'avez peut-être pas encore lu, montre, comme je le pensais, que le corps porte des traces de lutte. À mon avis, il n'y a donc pas préméditation. C'est une empoignade qui est mal tournée. Bon, d'accord. Vous m'énervez, Volpi. Vous avez toujours la réplique à l'idée que je peux avancer. Et cette belle idée nous donne-t-elle un suspect, monsieur le commissaire? Non, toujours pas, monsieur le juge, malheureusement. Morel arrêta sa 4L juste avant le portail de la ferme et pénétra à pied dans la cour. Il se planta au beau milieu et attendit après avoir lancé un regard circulaire. Bien qu'il ait aperçu sur la gauche les ouvriers sur leur échafaudage, il se mit à beugler. « Oh, il y a des gains ici dedans, il n'y a personne !» Ses cris finirent par alerter Tonin qui sortit d'une resserre et vint vers lui. « Hé, collègue, qu'est-ce que vous avez à brailler comme ça ?»« Je suis le père de la petite qui a été assassinée, et je suis sûr que l'assassin est ici. Té, demandez-leur à ceux qui sont là-bas » fit-il en désignant les maçons. « Mais qu'est-ce que vous racontez ?» s'énerva Tonin. « Je suis pas fada. Il y en a déjà un qui est mort, et c'est la preuve qu'ils sont pas tous clairs. » Morel faisait bien sûr allusion au meurtre de Guido, dont la nouvelle s'était rapidement propagée. Attiré par les éclats de voix, Victor Ginoux fit bientôt son apparition. Il se planta devant Morel, selon sa posture habituelle de fierro. « Qu'est-ce qu'il veut, celui-là » demanda-t-il avec un coup de menton de défi. « Le monde est quelquefois, pour ne pas dire souvent, mal fait. Beaucoup de points communs unissaient Morel et Ginoux. Ils étaient tous les deux d'anciens militaires, avaient connu la guerre, l'emprisonnement dans les mêmes conditions. La vie les avait forgés de la même façon. Or, au lieu du rapprochement de deux frères d'armes, Tonin eut bien le sentiment qu'il allait assister à un combat de coq au beau milieu de la cour. Lorsqu'il eut compris ce qui amenait Morel, Victor se tourna vers les maçons et leur dit, dans un mauvais italien, « Oh, vous autres, ce mec est peut-être celui qui a cassé la tête de Guido, venez voir !» Les maçons se regardèrent et posèrent leurs outils. Pendant un court instant, ils ne bougèrent plus et n'échangèrent aucune parole. Puis, avec un ensemble parfait, ils descendirent de l'échafaudage et vinrent entourer Morel au milieu de la cour. Victor jeta un regard satisfait sur les ouvriers et défia Morel du regard, l'air de dire « Alors, tu cherches toujours les embrouilles ?» Morel se campa sur ses jambes et leva les bras, les poings faits. Tonin était inculte, mais non dénué d'une grande âme et d'un bon instinct. Il sentit immédiatement l'animosité et l'absurdité qui mèneraient la situation présente à un drame. Il s'interposa violemment, sous les yeux ébahis de sa fille. « Arrêtez, arrêtez, nom de Dieu ! Vous êtes devenus complètement calus tous ! Morel, regardez les têtes de ces gens. Ce sont des maris, des pères. Vous les voyez en train de maquiller une gamine ? Et vous, Stronzi, regardez ce type. Vous croyez qu'il se serait caché pour tuer l'un de vous ? Il souffre comme vous. Vous n'allez tout de même pas vous entretuer. » Puis il se tourna vers son frère. « Et toi, salaud, tu es le seul qui mériterait un bon pastisson, parce que pour foutre la merde, tu t'y entends. » Venant de la part de quelqu'un d'ordinaire calme et discret, l'algarade n'en eut que plus d'effet. Déjà, les ouvriers s'écartaient. Morel avait baissé les bras, mais ne quittait pas le regard de Victor. Au fond de lui, il était pratiquement certain qu'aucun des ouvriers n'était un assassin. Tonin était un gars honnête et courageux, sa fille une brave gosse. Non, le seul pour lequel grandissait une haine féroce et soudaine était Victor. « Je veux voir votre véhicule, » finit-il par beugler. « Il est là-bas, Fada. Qu'est-ce que ça peut te foutre, mon camion ? Vous voyez bien qu'il est complètement jobastre. Toi, en tout cas, tu ne l'emporteras pas au paradis, » rugit-il à l'adresse de Victor. « Attends ton heure. Et toi, attends la tienne, Gary. Allez, du balai. » Ses mains tremblaient sur le volant de la 4L. Devant ses yeux dansait le masque de serpent de Victor, et il s'en fallut de peu que Morel ne balançât un coup de poing dans le pare-brise. Ce soir-là, il eut du mal à trouver le sommeil, malgré la peinte de gigondas qu'il s'était enfilée. En pleine nuit, il se réveilla et comprit alors que la haine inextinguible qu'il habitait, qui soufflait en lui ses relents diaboliques, ses pulsions meurtrières, cette haine ne le quitterait jamais plus. Elle avait éclos en lui comme un bubon malsain. Désormais, il vivrait avec chaque jour, chaque nuit. Il n'était pas idiot au point de ne pas entrevoir ce qu'allait être désormais sa vie. À la maison d'abord, où il supporterait de moins en moins sa femme, qui pourtant était une bonne patte. Au canal de Provence, où il travaillait depuis sa mise à la retraite de l'armée. Il n'accepterait plus les consignes saugrenues que lui donnait son chef juste pour l'occuper. Et par-dessus tout, il savait qu'il ne serait pas capable de résister à ce déferlement d'aigre qui l'inonderait chaque jour. En y réfléchissant, il ne comprenait pas pour quelle raison Victor l'insupportait à ce point, car il comprenait très bien que ni lui ni les autres n'étaient les assassins de sa fille. Mais certains animaux se vouent une haine éternelle. Peut-être était-ce une question d'honneur à les savoir. En tout cas, il avait trouvé son être haïssable, comme nous en avons tous un, plus ou moins. Il n'était déjà pas particulièrement heureux alors maintenant. À moins que...